Bonjour à vous les curieux et les curieuses de Touraine et d'ailleurs. Le fureteur professionnel vous retrouve aujourd'hui en pleine forme et comme tous les lundis jusqu'à ce que le soleil nous tombe sur la tête, abreuvez-vous de connaissances par les oreilles. Sortez vos bottes, vos loupes et vos boussoles, c'est parti pour l'aventure. Avant d'aborder le sujet de jour, je vous annonce que je vais y aller avec des pincettes, car une partie des scientifiques ont remis en doute ses exploits et qu'une partie de la vérité n'a pas été révélée au grand public sur l'homme dont on va parler aujourd'hui, l'États-Unien Stanley Meyer. Ou l'homme qui fait trembler l'industrie automobile. Je précise États-Unien et non américain, puisque l'américain est un habitant vivant en Amérique, et l'États-Unien est un habitant vivant au pays des obèses. Stanley Allen Meyer était un inventeur qui a développé tout seul dans son coin comme un grand garçon une voiture fonctionnant à l'eau dans les années 90. Il était un inventeur autodidacte qui vivait dans l'Ohio, État états-unien semblable aux Hauts-de-France avec son passé industriel connu uniquement pour le basketteur LeBron James et les communautés Amish. Notre Stanley, pas national du tout, avait déjà déposé plusieurs brevets dans l'indifférence totale sur différents domaines techniques. En 1985, très précisément. Je me trouve sur le parking de la promenade des Deux Pins. Nous sommes le 26 octobre 1985 et il est 1h18 du matin. Monsieur Meyer se pencha sur le mouvement perpétuel. Son idée était de produire de l'électricité à partir de l'eau, s'inspirant des travaux d'Alexandre Tchernovsky, mort subitement en 92, ayant mis au point un appareil produisant 5 fois plus d'énergie qu'il n'en consommait. Les plus perspicaces d'entre vous me diront que ça existe déjà, tête de nouille pas cuite. C'est de l'électrolyse. Oui, mais non. C'est facile, les promesses et les serments. L'idée de Meyer était d'employer un courant alternatif de forte tension pour exciter les molécules d'eau et que l'hydrogène se sépare plus facilement. Le mélange est injecté dans un moteur à combustion interne modifié. À l'échappement, les atomes se ressoudent et retournent dans le réservoir. Son invention est donc un séparateur d'eau qui fractionne l'eau en oxygène et hydrogène. Sa notoriété a explosé quand il a commencé les démonstrations publiques où il montrait ce qu'il appelait sa cellule à eau à partir de début 90 avec son Dune Buggy. Plus tard, Meyer monta une entreprise, la Water Fuel Cell Company, WFC. L'industrie pétrolière lui proposa $1 milliard pour ses brevets afin de les enterrer. Deux personnes voulurent distribuer les produits de la WFC. L'inventeur leur demanda $25 000 d'acompte. Ces mêmes distributeurs attaquèrent WFC en justice en 1996. Meyer fut déclaré coupable par les tribunaux car la cour a jugé que son prototype avait un rendement inférieur à ce qu'il promettait, condamnant à verser $25 000 à ses investisseurs. Or, les plaignants étaient des investisseurs eux-mêmes d'un programme de carburant concurrent et l'un d'eux avait même tenté de prendre le contrôle de l'entreprise de Meyer WFC. En 1997, Stanley Meyer annonça à deux journalistes que sa voiture était au point. Il avait reçu des offres de constructeurs pour la commercialiser. De plus, il disposait d'un budget de $50 millions pour construire un centre de recherche à Grove City. Il est décédé en 1998 dans les circonstances qui ont alimenté diverses théories du complot. Lors d'un banal dîner, Meyer fut pris de convulsions. Il sortit, cria qu'on l'a empoisonné, puis il s'effondra. Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, 2 cuillères de purgatif. On fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre 3. Pour ses frères, présents ce jour-là, on a voulu assassiner l'inventeur. L'autopsie conclut à une rupture d'anévrisme. Sa motivation principale était de libérer l'humanité de sa dépendance aux combustibles fossiles. Il affirmait que sa technologie pourrait révolutionner le transport et fournir une énergie propre et quasi gratuite. L'inverse des capitalistes. La communauté scientifique a rapidement pointé les incohérences physiques du système de Meyer. Les experts soulignent qu'aucun procédé ne peut contourner les lois fondamentales de la thermodynamique. Le cas Meyer a eu plusieurs conséquences importantes. D'abord, il a alimenté de nombreuses théories du complot sur la suppression de technologies énergétiques révolutionnaires par de grandes corporations, et je pense pas qu'il ait complètement tort sur ce point-là. Je suis choqué. Certains y voient un empoisonnement orchestré par l'industrie pétrolière. Sur Internet mondiaux, Meyer est devenu une figure emblématique des partisans des énergies libres et des technologies cachées. Et eux-mêmes sont cachés dans l'ombre. Aujourd'hui, aucun scientifique reconnu ne considère que Meyer détenait une technologie viable. Ces brevets n'ont jamais été reproduits avec succès par des laboratoires indépendants. Paradoxalement, l'intérêt pour l'hydrogène comme carburant alternatif n'a jamais cessé de croître. L'hydrogène représentait effectivement une piste prometteuse, mais pas de la manière qu'imaginait Meyer. Deux ingénieurs français, Rouennais qui plus est. Il dit qu'il voit pas le rapport. Jean Chambrin, associé à Jacques Jaujon. Ah, c'est sûr que c'est pas Jaul Rigolo, hein. Jaul Rigolo ? Dépose main dans la main, en 1974, un brevet pour un dispositif d'aménagement d'un moteur à combustion en vue de son alimentation avec un carburant additionné d'eau. Cette nouvelle a fait la une des journaux la même année, relatant l'exploit d'effectuer une promenade d'une centaine de kilomètres avec une Citroën. Jean et Jacques font casser la molécule d'eau entre hydrogène et oxygène, le tout aidé par l'électronique qui délivre un courant puissant de façon à abaisser la température à 700 degrés Celsius. Cela a donc abouti à ce moteur fonctionnant grâce à un mélange de 60% d'eau et 40% d'alcool, permettant de faire chuter à 50% le poste consommation de carburant. Jean Chambrin croit à son devoir de bon citoyen français et avertit le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, ou Emmanuel Macron sorti du formol, que certaines puissances étrangères, pour les moteurs ou chaudières chauffage central, se proposent de les subventionner, voire même de leur acheter le brevet. Comme attendu à l'époque, cela n'a débouché sur pas grand-chose, si ce n'est rien du tout. Merci Valéry. Ne parvenant pas à faire reconnaître son invention dans le pays des Gilets jaunes, Jean Chambrin prend la décision de partir au Brésil, grand producteur d'éthanol, en 1979 avec la bénédiction du gouvernement de Brasilia, et non Sao Paulo qui n'est pas la capitale. Là-bas, Jean Chambrin aurait poursuivi ses travaux et équipé des voitures de son invention avec succès. Aujourd'hui, on peut observer deux alternatives existantes faisant un lien direct ou indirect avec les inventions de Stanley Meyer et Jacques Chambrin, sans oublier Jacques Jaujon. Monsieur, sans oublier Jaujon. Premièrement, pas trop le moteur à hydrogène, car on parle d'un gaz qui a besoin d'une autre source d'énergie plus polluante afin de fonctionner. Sauf si on évoque le procédé d'électrolyse de l'eau décomposant la molécule d'eau, H2O, pour alimenter les circuits. Vrai premièrement donc, les piles à combustible. Essayez Duracell Optimum, notre nouvelle génération de puissance. Elles fournissent de l'énergie électrique en consommant du dihydrogène, H2, par recombinaison avec du dioxygène, O2. Si vous vous souvenez de vos cours de physique-chimie des anciens temps, c'est la combinaison parfaite pour faire de l'eau, H2O, car elles produisent de l'eau. C'est un générateur électrochimique produisant une tension électrique grâce à l'oxydation sur une électrode d'un combustible réducteur, par exemple d'hydrogène, couplé à la réduction sur l'autre électrode d'un oxydant tel que l'oxygène de l'air. L'autre méthode actuelle reprenant les principes du mort mystérieux est l'injection d'eau dans les moteurs. Technique connue depuis les débuts de la conception de ces moteurs, elle a connu une période de succès dans le domaine aéronautique, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, mais reste relativement peu utilisée de nos jours. L'eau prend la place d'une partie du carburant, diminuant ainsi la consommation de carburant au prix d'une perte de puissance et de rendement. Ce dispositif a été utilisé sur des moteurs fonctionnant à très haute température afin d'éviter que ceux-ci ne se désagrègent du fait de la chaleur. L'eau est une source froide plus efficace que les gaz brûlés. Hein, les gens dont on ne peut prononcer le nom, une douche glacée aurait fait bien plus de victimes. Aujourd'hui, l'injection d'eau est de nouveau considérée dans les moteurs essence, où la température des gaz d'échappement pourrait endommager les composants comme le turbocompresseur. Un autre aspect positif de l'injection d'eau est sa capacité à réduire le cliquetis, claquement résultant de l'auto-allumage de l'essence dans le moteur, ce qui permet d'augmenter l'efficacité thermique des moteurs à essence. Le monde de l'industrie automobile reste encore ténébreux. Pourquoi calculer la puissance d'un véhicule motorisé par des chevaux ? C'est quoi le différentiel ? Pourquoi s'assurer coûte aussi cher ? Pourquoi ne pas avoir une voiture qui ne soit pas peinte en noir, gris ou blanc ? Pourquoi est-ce devenu un concours puéril de celui qui aura la plus grosse ? Pourquoi, de qui, de quoi ? Pour ma part, je reste avec mon bon vieux vélo de 25 ans d'âge qui roule comme s'il en avait 15 de moins et des boutons sur le cadre. Continuons de découvrir le monde avec toutes ces subtilités inconnues des aptères, et on se retrouvera une prochaine fois sur Radioactive à 13h heure locale pour se demander pourquoi les fonds marins restent encore un mystère pour nous les hommes. C'était Théo Xerès le Furteur, à la revoyure les amigos.